L'ébauche d'une espèce nouvelle d'art s'y dessine, d'un art de démocratie, fait par la foule et pour la foule, d'un art de science où la certitude des lois naturelles donne à l'audace en apparence la plus effrénée des tranquillités de figures géométriques. Les porches des soubassements, cintrés le plus souvent, comme écrasés sous le poids de montagnes qu'ils supportent, prennent des physionomies d'antres primitifs. Un flot de foule s'y engage, qu'ils vomissent sans cesse. On lève les yeux et on la devine, cette foule, derrière la haute montée verticale des innombrables fenêtres, allant, venant, encombrant les bureaux qui perforent ces falaises de fer et de briques, précipités dans le vertige des grands ascenseurs. Vous sentez, vous entendez frémir derrière les vitres le souffle brûlant de la spéculation. C'est lui qui a fécondé ainsi des milliers de mètres carrés, pour y faire pousser cette effrayante végétation de palais d'affaires qui vous cache le soleil et presque le jour. Puis, à côté de l'édifice démesuré et babélique, un vague morceau de terrain s'étend, vague, hirsute, vert d'un maigre gazon, que paie une vache. Puis c'est une suite de petites maisons de bois, à peine suffisantes pour une famille. Puis c'est une église gothique, transformée en magasin, avec une annonce en gros caractères de métal. Puis c'est la ruine, rouge et grandiose, d'un club brûlé l'autre semaine. Terrain, cabane, église, ruine, la spéculation va passer sur tout cela demain, ce soir, et d'autres buildings vont surgir. Mais il faut du temps, et ces gens n'en ont point. Voici 2 ans qu'au lieu de finir leur ville inachevée, ils s'amusent, sous le prétexte de leur exposition, à en construire une autre là-bas, toute blanche. Une ville de rêve, celle-là, avec des dômes comme à Ravenne, des colonnades comme à Rome, des lagunes comme à Venise, une foire du monde comme à Paris. Ils y ont réussi et c'est la plus composite, la plus cosmopolite des mixtures humaines qui remplit ces chemins de fer suburbains ou élevés, ces cars à câbles, ces coachs, ces fiacres qui endoient sur ces chaussées non déterminées et au pied de ces maisons si follement disparates. Et comme à Chicago, il semble que toute chose et que tout être doivent s'amplifier, s'exagérer, s'accuser en vigueur, de bloc en bloc au milieu de ces rues, se tiennent pour maintenir l'ordre des policiers à torse énormes, hauts comme des grenadiers poméraniens, espèces de gigantesques bornes humaines contre lesquelles se brise le remoubouillonnant de cette multitude. Allemands pour la plupart, leurs visages roux sont taillés à coups de hache, comme dégrossis hâtivement, et leur encolure de taureau commente d'une façon saisissante les faits divers quotidiens des journaux, qui mentionnent sans cesse quelques « hands up », les mains hautes, exécutés dans les tavernes, les maisons de jeu, ou tout simplement les voitures de tramway. C'est le cri classique du voleur de l'Ouest, qui entre son revolver au poing et tient à se convaincre que vous n'avez pas le vôtre. Combien s'est-il prononcé déjà de fois dans les faubourgs de cette ville, qui reste le confluent de tous les aventuriers des deux mondes? Combien de fois se prononcera-t-il? Mais l'esprit d'aventure est aussi l'esprit d'entreprise. Et si le choix des policiers de cette ville étonnante atteste la fréquence des coups de main essayés par ces bandits, il complète une physionomie complexe, et sans doute unique depuis que le monde est monde. Cette mosaïque d'extrême civilisation, et presque de barbarie, cette existence sauvage entrevue derrière cette soudaineté de création industrielle. Enfin, c'est Chicago, un miracle à confondre tous les morts d'il y a 70 ans, s'il revenait ici-bas. Et s'il retrouvait en face de cette cité, qui par sa population est aujourd'hui la 9e de l'univers, et de leur vivant, elle n'avait pas une maison. Un des énormes commerces de cette ville est celui de la viande. Les gens de Chicago en rugissent un peu. Autrefois, ils vous parlaient de leurs abattoirs avec cette bonhomie, dans l'orgueil qui est un des charmes du grand parvenu. C'est la naïveté naturelle d'une force très simple, et qui aime à se déployer ingénument. Ils sont lassés de s'entendre appeler par leurs détracteurs les habitants de Porcopolis. Ils se plaignent que leur ville soit toujours identifiée, comme on dit ici, avec cette brutale boucherie, quand elle a dans ses librairies le plus vaste entrepôt de livres du monde, quand ses journaux ne laissent passer sans l'étudier aucun incident de la littérature et de l'art, quand elle a donné 7 millions de dollars pour fonder son université, quand elle vient de convier tous les représentants de tous les cultes à cet audacieux parlement des religions, phénomène unique dans l'histoire de l'idéalisme humain. Elle aspire à ne plus être simplement la fournisseuse de nourriture qui, l'année dernière, par une seule de ses maisons, a dépecé et distribué 1 750 000 porcs, 1 080 000 bœufs, 625 000 moutons. Ses ennemis l'écrasent sous de pareils chiffres, en négligeant de se souvenir que ce Chicago des abattoirs est aussi le Chicago de la White City, le Chicago d'un musée déjà remarquable, le Chicago qui a valu Lincoln aux États-Unis. Pour l'étranger, et qui veut se rendre compte de l'esprit dans lequel les Américains montent leurs vastes entreprises, ces abattoirs sont en revanche un des documents les plus précieux. Une usine à tuerie, capable d'expédier en 12 mois aux quatre extrémités de cet immense continent 3 500 000 bêtes dépecées et préparées, vaut la peine d'être regardée de près. Partout ailleurs, le détail technique est très difficile à saisir. Il l'est moins ici. Les directeurs de ces colossales fabriques à roast beef et à jambon ont compris que d'admettre le public à bien voir leur procédé de manipulation consiste à la meilleure réclame. Et ils ont rendu la visite dans leurs établissements, sinon attrayante, la répulsion physique est trop forte, au moins commode et complète. À la condition de se tendre les nerfs, une fois pour toutes, ce sont quelques-uns des endroits où l'on peut le mieux voir comment l'ingéniosité américaine résout des problèmes d'une organisation prodigieusement compliquée. J'ai donc fait comme les touristes sans préjugés. Je suis allé visiter les Stock Yards et la plus célèbre d'entre les Packing Houses, ou maisons d'empaquetage, comme on les appelle. De dépeçage plutôt, celle justement dont je viens de donner les chiffres d'opération. Cette promenade à travers cette maison de sang me restera comme un des souvenirs les plus étranges de mon voyage. Je crois pourtant lui avoir dû de mieux discerner quelques-uns des traits qui caractérisent une affaire américaine. S'il en était ainsi, je n'aurais pas lieu de regretter cette pénible épreuve. La voiture, pour arriver au Union Stock Yards, franchit un immense quartier de la ville, plus incohérent encore que ceux dont on s'entoure l'élégante Michigan Avenue. Elle s'arrête devant des rails pour laisser passer des trains lancés à toute vapeur. Elle traverse des ponts qui se lèvent aussitôt pour laisser eux-mêmes passer des bateaux. Elle tourne devant des hôtels meublés qui sont des palais, et devant des maisons d'ouvriers qui sont des masures. Elle longe de gros morceaux de terre où des maraîchers cultivent des choux parmi des détritus, et d'autres qui ne portent que des annonces. Comment résister au plaisir de transcrire celle-ci entre cent autres? Louis XIV a été consacré roi de France à l'âge de 5 ans, 1643. La pepsine X a été couronnée par le succès, comme un remède contre l'indigestion, avant qu'elle n'eût été connue de public un an. Puis les champs d'annonces cèdent place à d'autres maisons, à d'autres chemins de fer, sous un ciel noir de nuages ou de fumée. On ne sait plus, et de ces deux côtés de la route commencent d'apparaître des enclos, fermés de palissades, où des bœufs sont parqués par centaines. Entre ces palissades, des ruelles sont ménagées, où vont et viennent des gens à cheval. Ce sont des acheteurs de la Packing House, qui discutent les prix de la vente avec des cow-boys venus de l'Ouest. Vous avez lu des histoires de ranch. Cette existence aventureuse de la prairie vous a saisi l'imagination. En voici les héros, vêtus de mauvais par-dessus de ville, coiffés de chapeaux en forme de melon, avec le faux col et les manchettes de tous les Américains. N'étaient leurs bottes et leur manière aisée de manœuvrer leurs chevaux avec leurs genoux, vous les prendriez pour des clercs. C'est une preuve, après combien d'autres, du dédain que ce peuple réaliste professe instinctivement pour le pittoresque du costume. Cette impression que j'ai eue dans le parc de New York, dès le premier jour, d'une immense maison de confection en train d'aller et de venir, n'a pas cessé de s'imposer à moi. Et pourtant, rien de moins commun, au mauvais sens du mot, que les Américains en général, et en particulier que ces cow-boys de l'Ouest. Les corps sont trop nerveux, trop minces, sous les étoffes à bon marché. Les physionomies surtout sont trop tendues et trop travaillées, trop décidées et trop amères. La voiture s'est arrêtée devant une construction qui d'apparence ressemble à toutes les manufactures. Nous entrons, les amis que j'accompagne et moi-même, dans une cour, une espèce de boyau plutôt, encombrée de caisses, de charrettes et de gens. Un minuscule chemin de fer la traverse. Il porte des caisses vers un train qui attend sur sa voie, tout composé de wagons réfrigérateurs comme j'en ai tant croisé en venant à Chicago. Des ouvriers déchargent ces caisses, d'autres vont et viennent. Chacun visiblement occupé à une besogne différente. Rien qui sente l'ordre administratif, tel que nous le concevons, dans cette administration pourtant si bien ordonnée. Mais déjà, un des ingénieurs nous a fait monter un escalier, et nous entrons dans une salle immense où flotte une vapeur d'étuve, mêlée d'une âcre et fade senteur qui nous prend à la gorge. Nous sommes dans le département réservé au dépeçage des porcs. Des centaines d'hommes y besognent que nous n'avons même pas le temps de regarder. Notre guide nous crie de nous effacer, et nous voyons passer devant nous des files de porcs qui glissent, les ventres ouverts, leurs pattes de derrière pendues à une tringle le long de laquelle ils roulent du côté d'une voûte, où d'autres bêtes attendent par innombrables files. Les chairs roses, encore fraîches de la vie qui les animait tout à l'heure, luisent sous la lumière de l'électricité qui éclaire ses profondeurs. Nous avançons, évitant de notre mieux ces étranges rencontres, pour arriver, les pieds englués dans une boue sanguinolente, jusqu'à la plateforme d'où nous verrons le point de départ de tout ce travail, qui nous paraît encore si confus, qui va nous devenir si simple, si facilement intelligible. Les bêtes sont là, dans une espèce de fosse, grouillant et criant, comme si elles avaient la vision de l'horrible machine qui s'approche, et elles ne peuvent pas plus lui échapper qu'un condamné, le coup dans la lunette à la guillotine. C'est une espèce de croc mobile qu'un homme abaisse, et il saisit une des bêtes par une corde, qui leur lie à toutes les deux pieds de derrière. L'animal hurle, la tête pendante, le groin révulsé, ses courtes pattes de devant agitées d'un mouvement spasmodique, et déjà le croc lancé sur une tringle à glisser. Il emporte la misérable proie jusqu'à l'enclos d'à côté, où un autre homme armé d'un long couteau l'égorge au passage, d'un coup si sûr et si profond qu'il ne le répète pas. La bête hurle d'un hurlement plus terrible. Une fusée de sang jaillit, épaisse comme un bras et toute noire. Le groin palpite plus douloureusement, les courtes pattes frémissent plus frénétiquement, et ce spasme d'agonie ne fait qu'accélérer le mouvement du croc qui continue de glisser jusqu'à un troisième belluaire. Ce dernier, d'un geste rapide, détache l'animal. Le croc remonte et le corps s'abîme dans une espèce de canal lavoir, rempli d'eau bouillante. Un râteau mécanique s'y démène d'un fébrile mouvement vibratoire. En quelques secondes, il agrippe la bête, il la tourne, la retourne, la grippe encore, et il jette le cadavre échaudé à une autre machine, laquelle, en quelques autres secondes, l'a rasé de la hure à la queue. Une minute encore, un autre croc descend, et une nouvelle tringle conduit ce qui fut, voici quelques secondes, un animal vivant et souffrant. Du côté de cette voûte où j'ai aperçu dès l'entrée tant de dépouilles semblables. Et c'est déjà le tour d'un autre d'être égorgé, rasé, expédié. L'opération est si foudroyante de rapidité qu'on n'a pas le temps de sentir ce qu'elle a d'atroce. On n'a pas le temps de plaindre ces bêtes, pas le temps de s'étonner de la gaieté avec laquelle l'égorgeur, un géant roux, aux épaules larges à porter un bœuf, continue son épouvantable métier. Et cependant, même sous ses formes inférieures, la vie est une chose si mystérieuse, la souffrance et la mort même d'une créature de l'ordre le plus humble, une chose si tragique quand, au lieu de se figurer cela indifféremment, on le voit ainsi bien en face que tous les spectateurs, et ils sont nombreux, cessent de rire et de plaisanter. Pour ma part, et comme si pendant quelques minutes, l'esprit de Thomas Grindorge, du marchand de porc philosophe, cher à mon maître Taine, eût passé en moi, je me sentis envahi devant cette vulgaire scène d'abattoir, par une espèce de tristesse très courte mais très intense. Il me sembla soudain que j'avais devant moi, incarné dans un abject symbole, l'existence elle-même et l'œuvre entière de la nature. Ce que j'ai pensé si souvent de la mort avait sa concrétion sous mes yeux, dans la prise régulière et irrésistible de ce croc soulevant ses bêtes, comme l'inévitable puissance de destruction qui est dans le monde doit nous agripper tous. Aussi bien les sages, les héros, les artistes, que ces malheureuses brutes inconscientes. Je les voyais se presser, se remuer, gémir, et leurs agonies se succéder, comme les nôtres se succèdent un peu plus rapidement, si peu étant donné que le temps marche si vite et que tout ce qui doit finir est si court. Et le regard dont nous contemplions, mes compagnons et moi-même, ce tableau sinistre, n'était pas différent du regard dont on contemplera un jour notre entrée à nous dans les grandes ténèbres, comme un tableau en effet, comme une vision extérieure et dont la réalité n'importe au fond qu'à l'être qui l'a subie. Nous passons dans le département réservé aux bœufs. Ici l'agonie est différente. Point de cri, presque point de sang, point d'attente nerveuse de la bête. Et la scène est plus terrible encore. Les animaux sont parqués deux par deux dans des stalles pareilles, moins la mangeoire à celle d'une étable. On les voit avec leur intelligence et leur douceur, qui essayent de s'accommoder à cet étroit espace. Ils regardent de leurs larges yeux doux, qui, l'assommeur debout dans un couloir ménagé un peu au-dessus d'eux. Cet homme tient à la main une masse d'acier très mince. Il attend que la bête soit bien posée. On le voit qui, de la pointe de cette masse, et doucement, ramène l'animal en le flattant. Tout d'un coup, la masse se lève. Elle retombe et frappe au front le bœuf qui s'écroule. Dans une minute, un croc l'aura enlevé. La bouche et les naseaux dégouttant de sang, ses larges prunelles vitreuses noyées d'ombre. Et dans une autre minute, un autre homme aura détaché la peau de devant qui pendra comme un tablier pour fendre le corps, le vider et l'expédier, toujours par ce procédé expéditif de la tringle, dans des chambres de glace, où des milliers attendent ainsi que l'heure arrive d'être portés et pendus de même dans des wagons qui attendent, qui vont partir. Je vois se fermer ainsi la dernière voiture d'un train qui s'ébranle. La locomotive siffle et souffle, la cloche teinte. Sur quelle table de New York ou de Boston, de Philadelphie ou de Savannah va finir cette viande, engraissée à même les pâturages de la prairie? Dans quel district, de quel état de l'Ouest est préparée ici, de manière à ce que le boucher n'ait plus qu'à en détailler les morceaux? Ils lui arriveront aussi frais, aussi intacts que s'ils ne tenaient pas des milliers et des milliers de kilomètres entre la naissance, la mort et le dépeçage de l'obscure et paisible bête. S'il n'y avait à voir dans cette usine à nourriture que ces scènes de tuerie, il ne vaudrait guère la peine d'affronter tant de sensations dégoûtantes, pour vérifier là, dans une de ces applications inférieures, ce que le philosophe Huxley appelle quelque part magnifiquement « the gladiatorial theory of existence », la dure loi des meurtres nécessaires à la vie. C'est une première sensation à subir, pour passer à une seconde, celle de la rapidité et de l'ingéniosité avec lesquelles s'accomplit le découpage d'abord, puis l'empaquetage de cette prodigieuse quantité de viande qui ne peut pas attendre. Je ne sais qui a dit plaisamment qu'un porc entrait à l'abattoir de Chicago pour en ressortir un quart d'heure après. Jambon, saucisson, saucisse, pommade à la graisse et reliure de Bible. C'est l'exagération humoristique, mais à peine chargée du travail hâtif et minutieux que nous voyons s'accomplir sur les bêtes tuées tout à l'heure devant nous. Et la distribution de ce travail, sa précision, sa simplicité, sa suite ininterrompue nous font oublier la férocité, utile mais intolérable, des scènes auxquelles nous avons assisté. Dans l'immense salle, des comptoirs se succèdent, placés sans trop d'ordre à la suite les uns des autres. Chaque membre de l'animal est détaché et utilisé sans qu'un tendon ou un os soit perdu. Ici, d'un coup rapide, automatique, et qui n'hésite jamais, un homme sépare les jambons d'abord, puis les pieds, le temps de les jeter dans des chaudières qui vont les cuire et les fumer. Plus loin, une hache mue mécaniquement est en train de fabriquer de la chair à saucisse que des tuyaux de diverses grandeurs laissent sortir toute roulée, toute prête à être prise dans des pots lavés et préparée à cet effet. Le mot « aille » que je vois tracé en allemand sur une caisse, « Knoblauch », et l'inscription qui l'accompagne me transporte au temps de la guerre franco-allemande, où des boîtes marquées de la même inscription encombraient les maisons de la banlieue de Paris après l'occupation. C'est bien au-delà de New York que ces produits de l'industrie chicagoenne vont être expédiés. Ailleurs, la tête et la hure sont nettoyées, parées et dressées, telles qu'elles devront figurer dans la devanture de quelques charcuteries d'Amérique ou d'Europe. Ailleurs, d'énormes récipients recueillent la graisse qui bout, qui ruisselle, et qui, mélangée savamment à quelques parties de crème, va se transformer en margarine, et s'épurer dans un battoir mécanique dont nous admirons la simplicité à droite. C'est un ouvrier qui l'a inventé, nous dit notre guide. D'ailleurs, ajoute-t-il, presque toutes les machines qui fonctionnent ici ont été trouvées ou améliorées par les ouvriers. Ce mot nous éclaire, le vaste charnier que nous venons de parcourir.